amis, c'est Smaël et bienvenue dans votre émission Happy Dance 35 qui vous fait découvrir chaque semaine, vous le savez, c'est le même refrain, eh bien le meilleur de la musique EDM et ce à travers de 2 heures de son presque non-stop. Et oui, bon allez, de toute façon comme d'habitude, on va pas parler du presque non-stop, on va surtout s'intéresser déjà dans un premier temps à tout ce qui a quitté eh bien ce top 35 cette semaine. Il y a 3 singles, 3 chansons que vous connaissez peut-être très bien, peut-être pas du tout, et ça tombe bien, on en écoute un extrait puisque le premier à nous quitter, c'est un single de Elderbrook et de Ready Mental, écoutez bien. Si vous étiez là la semaine dernière, vous l'avez entendu, ça s'appelle Something About You. C'était la première fois qu'ils nous avaient rejoints dans ce top 35 à la dernière place. Eh bien, ils nous ont quitté cette fois-ci pour retourner à la 42e position. Deuxième single à nous quitter cette semaine, Jack Jones. Avec Bébé Rexha. Et oui, Harder sort effectivement du top 35 et chute de cette place et donc nous quitte pour cette semaine. Et puis ce n'est pas tout puisque Cascade les rejoint avec Megan Trainor sur With You. Allez, Cascade a atterri à la 39e place cette semaine et perd donc 10 positions et quitte ce top 35. Et tout de suite, on commence avec de la nouveauté. C'est tout simplement les Oz Gospel Choir sur Salvation. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 35. Numéro 34. Et oui, à l'instant, c'était donc dans votre émission Happy Dance 35, Roberto Suras, la 34e position sur Joyce. On continue avec une nouvelle entrée cette semaine dans le top 35. Ça arrive directement en 33e position. Ça s'appelle Ghost et c'est de Aura en featuring avec Alan Walker. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 33. Today I'm kinda feeling like a ghost. Call my friends but ain't nobody home. Tell myself I'm fine but I don't really know. I'm just scared that I'll end up alone. I never let it show, but I feel like a missed call on the phone. Trying to live my life as you go, but I'm so scared that I'll end up alone. You know I'm like a ghost, sometimes I this way. You say it's gone cold, I say I'll do better, but I always seem to disappear again. You know I'm like a ghost, I see it in your face, and it haunts me that I have to be this way. You say it's gone cold, I say I'll do better, but I always seem to disappear again. You know I'm like a ghost. You know I never meant to cut you off. Got a phantom feelings I can never stop. Stranger things to worry about, I know. But I'm so scared that I'll end up alone. Can't see myself in the mirror. Does that mean I'm not really here? I'm losing touch with everything I know. And I'm so scared that I'll end up alone. You know I'm like a ghost, sometimes I have to fade. And it haunts me that I have to be this way. You say it's gone cold, I say I'll do again. You know I'm like a ghost, I see it in your face, and it haunts me that I have to be this way. You say it's gone cold, I say I'll do better, but I always seem to disappear again. You know I'm like a ghost. You know I'm like a ghost. Dans le top 35. Hit numéro 32. We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. nouveauté dans votre émission Happy Dance 35 que vous venez de découvrir à l'instant. C'était donc K391 en featuring avec Alan Walker et Martin Tungvag sur Play. Allez, on continue cette fois-ci avec le numéro 31. C'est Fuego de DJ Snake, Sean Paul et Anita en featuring Tenny, suivi d'une nouveauté. Encore une fois, ça sera Be Fine de Madeon. Hit numéro 31. Don't make me crazy. Your bed won't take it. Don't start that fuego. I can find my DNA, loca. Alright then, just one touch of me, give the little miss and she start to go loopy. Me tell her I'm loving her, miss Sandy right back home. Taking her room like she feel man a jock. She fall in love with the way how I do it. And I must love the way how she just can't leave me alone. Crazy because she a pick up the phone. She not stop call Simone. And I tell her she moan and groan on the zone. Think me a clone, then me give her the bone. Now she have to turn round, get me the crown. You see? Ooh, baby girl. And see my mirror and see my tuyo. On top of me, on top of you, yeah. Ooh, baby girl. Contigo ya no hay como te aguante. Yeah, aguante. Yeah, la, la, la, la. Don't make me crazy. La, la, la, la, la. Your bed won't take it. Don't you start that fuego, fuego. I can find my DNA. Pero si me vuelvo loca, loca. You're mine like that. Telling you again. Yo me pongo loca, loca. Cada vez que le mordió la boca, boca. Rapidito se le cae la ropa, ropa. Y a mí me gusta. Porque yo me pongo loca, loca. Cada vez que le mordió la boca, boca. Rapidito se le cae la ropa, ropa. Eso me gusta. Encima mío, encima tuyo. On top of me, on top of you, yeah. Crazy. Your bed won't take it. Don't start that fuego. I can find my DNA. Loca. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 30. Can I believe my eyes? Then you're musique EDM continue sur votre radio dans votre émission Happiness 35 avec moi-même Ismaël pour vous présenter tout ça. Allez, on continue donc ce classement avec tout à l'heure en 26e position en ayant perdu deux places. Avicii reste toujours présent avec Even. Je pense que personne n'oubliera Avicii, ce DJ suédois qui aura cartonné à travers le monde et ce depuis 2013. Malheureusement, il est décédé l'année dernière. On aura aussi, juste après, Baila Conmigo de Jennifer Lopez en 27e place. Oh oui, vous le sentez venir, ce sont bien latinos. Oh oui. Ça arrivera donc tout à l'heure après avoir perdu 11 places pour cette nouveauté, donc Baila Conmigo de Jennifer Lopez et puis Rescue Me, Marshmello, toujours présent aussi dans ce top 35 avec la 28e position. Il perd 3 places, c'est toujours en featuring avec A Day to Remember, pas de changement, et tout de suite on écoute Rehab All Around the World. Hit numéro 29. The kisses of the sun were sweet. I didn't think I let it in my eyes. Like an exciting dream, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word. Just la la la la la. It goes around the world. Just la la la la la. It's all around the world. Just la la la la la. It goes around the world. Just la la la la la. It's all around the world. It's la la la la la. You dosage. We're way too young to be feeling this hopeless. You are my light in this endless ocean. Yeah, feeling alive even just for this moment. Yeah. Baila conmigo. Happy Dance 35. Deux heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 26. Been born. Yeah, you come to raise me up when I'm beaten and broken up. And now I'm back in the arms of love. And I think I just died. I think I just died. Yeah, I think just died. I think it just died. I went to heaven. De ce single Levels, sorti eh bien, il y a déjà de cela quelques années, qui avait été produit par Avicii, bien sûr Avicii, le célèbre DJ suédois qui nous a quitté l'année dernière malheureusement, est toujours présent dans ce top 35 avec ce titre issu de son album posthume qui s'appelle Team, et ça s'appelle Even, et c'est ce qu'on vient d'écouter en numéro 26 cette semaine. Allez, à suivre dans le numéro 25, il y aura Tiesto avec God is a Dancer, suivi juste après des Crystal Waters United in Dance et Gorgon City, There for You, numéro 23 de cette semaine. Hit numéro 25. God is a dancer. Yeah, I heard on the radio that she always go harder, 'cause she keeping you on your toes, and she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah. Are you feeling that fire? 'Cause the music is on the

3. So right, if I could go back in time, what I would do is love you sooner. I wish I was there for you. Wish I was holding you closer than close every day of your life. Wish I was there for you. And I wish that you were there for me too. Classement des meilleurs 35 tubes EDM du moment continue avec tout à l'heure Flume, ça sera Rushing Back pour le numéro 20. On aura aussi Illenium in Your Arms numéro 21, ayant perdu quelques places cette semaine. Et puis juste après, là tout de suite, ce qui arrive, c'est Dirty Work avec No Letting Go. Hit numéro 22.

Dance plus Dance Electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Happy Dance EDM, c'est le nom que vous tapez sur Facebook si vous voulez trouver la page de l'émission, de cette émission que vous êtes en train d'écouter. Et oui, c'est Happy Dance 35, bien évidemment, toujours présenté par moi-même, Ismaël. Les amis, en tout cas, ça va faire presque une heure que nous écoutons eh bien des tubes et des tubes. Actuellement, nous avons fait les tubes numéro 31 à 19. À l'instant, c'était donc Martin Garrix avec Summer Days, classé numéro 19 cette semaine. Et oui, il a donc perdu quelques positions, à savoir 2 avec Macklemore et bien évidemment pas Patrick Stump. On continue toujours avec beaucoup plus de musique. Il nous reste à peu près une quinzaine de chansons à écouter, même un petit peu plus si vous savoir, c'est 18 exactement. Tout à l'heure, on aura du Griffin, toujours présent avec 3 singles cette semaine dans le top 35, à savoir en premier All You Need to Know. C'est pas tout, on aura aussi Duc Dumont avec The Power en 17ème position qui gagne une place par rapport à la semaine dernière. Écoutez. Donc ça c'est le numéro 17, et puis le numéro 18, ça sera tout à l'heure Griffin OMG. Oh my god, this is Griffin. Bon, en fait, quand je vous dis tout à l'heure, c'est même tout de suite, et ça, c'est dans votre émission Happy Dance 35. Hit numéro 18. No chemical could recreate our chemistry. Got what I need. I'm technical, but I lose sensibility. When you're next to me, I feel a boom, feel a bang inside my soul, love. When you lay me down, when you do it the way I lose control, love. All my senses now. You got me flying and flying to 4 in the morning. Can you hear my body is calling your name? Oh my God.

Et à l'instant, c'était dans votre émission Happy Dance 35, la chanson de cette semaine. Et oui, on peut même l'applaudir. Applaudissez-la derrière votre poste, derrière votre téléphone, votre ordinateur, peu importe comment vous nous écoutez en ce moment. C'était donc Medusa avec Becky Hill et les Good Boys sur Lost Control qui gagnent 20 places cette semaine. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ils passent donc de la 33e à la 13e. Et allez, tout de suite, on va continuer avec un titre qui ne change pas, toujours bien campé sur ses deux pieds et dans la terre. C'est What the Fuck de UGL en featuring avec Amber Van Day. Numéro 12. Show you how. Looking at me like you want my man. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. pasa su mano por todo mi cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo de la música. Qué calor. Ven, toma mi mano y baila conmigo. Si vous êtes avec moi depuis le début de cette émission, vous allez vous dire, mais mince, j'ai déjà entendu ce titre, c'est bizarre, mais je crois que j'ai entendu tout à l'heure une femme chanter dessus. Mais oui, c'était Jennifer Lopez tout à l'heure qu'on avait pu écouter sur ce titre qui s'appelle Baila Conmigo. Cette fois-ci, eh ben, c'était pas la version faite avec Jennifer Lopez, c'était la version originale. C'est celle tout simplement de Davy et Victor Cardenas en featuring avec Kelly Reese, qui d'ailleurs perd une position cette semaine et arrive numéro 11. Et c'était donc Baila Conmigo. Allez, à suivre, on entre dans le top 10 avec les Changemakers, Coleman, suivi des Black Eyed Peas, Rhythmo. Beat numéro 10. Two kids with their hearts on fire. Who's gonna save us now? When we thought that we couldn't get higher, things started looking down. I look at you and you look at me like nothing but strangers now. Two kids with their hearts on fire, don't let it burn us out. Think about what you believe in now. Am I someone you cannot live without? Cause I know I don't wanna live without you. Yeah, come on, let's turn this all around. Bring it all back to the bar downtown. When you would've let me walk on you. Yeah, you said, hey, what you doing for the rest? Thank you.

4. You have four takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah. You have four takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah. You have four takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah. You have four takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, hey, hey, where do you think you're going? It's so late, late, late. What's wrong? I said I can't stay. Do I have to give a reason? It's just me, me, me. It's what I want. So how did we get here? Feelings now we've been so caught up. Better if we do this on our own. Before I love you, na na na, I'm gonna leave you, na na na. Before I'm someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break mine. Before I love you, na na na, I'm gonna leave you, na na na. Even if I am not here to stay, I still want your heart. You have four takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah. You have four takeaway. Le top 3 des hits, c'est maintenant. Mais c'est la folie les amis, ça y est, c'est le top 3 des hits EDM du moment, c'est maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va enfin y avoir un changement entre les 3 premiers tubes EDM du moment depuis plus de 10 semaines? Bah en fait, je suis pas sûr les amis. Je ne suis clairement pas sûr pour vous avouer. Eh ben non, il n'y a eu aucun changement. En numéro 1, comme d'habitude, on retrouve avec eh bien Bastille, c'est Marshmello, ça s'appelle Happier. Si vous ne connaissez pas, écoutez cet extrait. I want you to be happier. I want you to be happier. 58 semaines à la position de numéro 1 et 62 semaines dans le top, eh bien, 100 des musiques EDM du moment. C'est Marshmello qui arrive tout à l'heure en première position. On aura aussi Kygo avec Whitney Houston. C'est I Girl Love, toujours numéro 2. Ah, cette voix, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous manque, Whitney Houston. Et puis, tout de suite, on va écouter ça. Je vous laisse deviner, il y a John Bellion. Ça s'appelle Good Things Fall Apart. Et c'est de Illenium. Allez, tout de suite, c'est le numéro 3. C'est votre émission Happy Dance 35 qui arrive bientôt à son terme, les amis. Hit numéro 3. Did I say something wrong? Did you hear what I was thinking? Did I talk way too long when I told you all my feelings that night?

j'ai pu recevoir, voilà. Donc une réponse tout simple, effectivement, ça fait 58 semaines qu'il est numéro 1 parce que ça plaît à beaucoup de gens. Voilà, et notamment à moi aussi. Bref, les amis, bonne fin de journée à vous, bonne soirée. C'était Ismaël avec vous au micro. Ciao, bye bye. Et à la semaine prochaine pour 2 heures de son encore EDM avec un autre classement.